Message de guerre, alerte rouge au garde à vous. Tous mes soldats, préparez-vous. Plongez dans le trou. À tous les militaires, partenaires et légionnaires, place aux soldats du CIR, FER, c'est compris. Hardcore, régiment 4, diaboliquement efficace, dirigé par les DS et 4. Tombé de la nuit pour le FN, pas de Jeppy. Combat ténébreux, y'a de quoi se faire du souci. À gauche, les rebelles, dirigés par les DS dévastatrices. L'armée nationale des fascistes est à l'extrême droite. Ces deux camps se livrent une guerre sanguinaire. Le champ de bataille est recouvert d'une mer écarlate. Le match est serré, les hommes sont des deux côtés, soldats croisés. Enfonçons-nous dans les tranchées, guerre de position, creusons, déterrons la rage de guerre. Quand nous vaincrons, je scalperai la toise de notre adversaire. Ils ont pris mes alarmes, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de perte balle. Les opprimés s'alarment, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de perte balle. Saigner à blanc, tous ces gens du front. Combat sous les tranchées, telle est ma mission. Version nouvelle de la guerre de 1914. Le conflit présent lui est six fois plus féroce. À l'assaut, mon armada à l'étranger, dit Abnem Bassa. Frère Robert revient des sorcières de Salem de surcroît. Un carnaval meurtrier distingue le dominant du dominé. Diffère des guerriers enlisés sous les tranchées. C'est un appel à toutes mes troupes, que tous mes hommes se regroupent. L'offensive est enclenchée. Attaque numéro 1, le missile aérien bombarde ces pseudo-ariens qui se disent pur hors ses ports, ont la tête pleine de purin. Précurseur des pires crimes contre l'humanité, les épargnés seraient une preuve d'immoralité. Les opprimés s'alarment, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de pierre tombale. Les opprimés s'alarment, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de pierre tombale. Ah, je venais, mes pro-soldats. C'est l'ordre du général en chef des Max de Grave, des gars. Je vais dans mon monde où la paix n'existe pas. Je mène un perpétuel combat, je dois poster. Digère les roquettes de mon bazooka. S'il hisse le drapeau blanc, tâchez le 200, pas de capitulation. Moi je veux faire, tu rentres dedans. Quiconque défie les divinités périra par l'épée. La peine capitale est prononcée pour les prisonniers. Inutile de nier, le destin joue contre toi. Personne ne résiste à des Max de Grave, des gars. Prisonniers, prisonniers. Devenez diablotin. Un fluide maléfique s'écoule en vous, c'est du venin. Les crocs de mécanique aussi pointus que des aiguilles transpercent ton cou comme une machette, des tripes. Coup de savate, mon attaque te crache. Au milieu des vautours et des zombies qui te hachent. Décapite le FN, l'action en vaut la peine. Pensez direct au abaisse poupée de Salem. Le mal contre le mal est une affaire de pierre tombale. Les opprimés s'alarment, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de pierre tombale. Les opprimés s'alarment, les insurgés prennent les armes. Les hécatombes se rebellent, déployons l'arsenal. Le mal contre le mal est une affaire de pierre tombale.